rendez-vous incontournable de cette émission. Aujourd'hui, c'est notre invitée Cécile Rondeau-Arnaud, que vous pouvez écouter sur Fréquence Protestante dans l'émission La Mécanique des Ondes à 13h15. Toutes les personnalités médiatiques se déplacent pour répondre à ces questions. Cécile Rondeau-Arnaud, c'est un parcours pour le moins atypique. S'il y a un terme qui pourrait, je pense, la définir, c'est la rigueur. On découvre son parcours ensemble, juste après, Regan Bunman, Human, sur Stidec Web. Maybe I'm Cécile Rondeau-Arnaud. La mécanique des ondes s'installe dans les irrémédiables, sur Studec Web. Cécile Rondeau-Arnaud. Hey, I can't find that on the radio. Je vous l'avais promis il y a quelques instants, Cécile Rondeau-Arnaud de Fréquence Protestante, l'intervieweuse des plus grands noms de la radio pour l'émission La Mécanique des Ondes, à 13h15, pardon, nous a rejoint en studio. Bonjour Cécile. Bonjour Clémence et bonjour toute l'équipe. Cette fois le micro marche. Oui, oui, il n'était pas allumé. Ça m'a fait une petite frayeur. Alors Cécile, ça rime réellement avec atypique. Aujourd'hui, on le ressent bien dans vos interviews que vous réalisez, mais également dans l'écriture. Car oui, Cécile Rondeau-Arnaud, c'est la femme moderne, avec plein de casquettes différentes. Cécile, je vous propose quelque chose. Oula, oui. Dans votre émission, vous avez l'habitude de poser comme première question. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Alors là, c'est le moment où on inverse les rôles. Cécile, vous êtes aujourd'hui au micro d'une web radio. Est-ce que ça vous rappelle un souvenir? Et ouais, ça me rappelle effectivement des souvenirs au moment... Quand j'étais un peu adolescente, tout ça, ça commence un peu à faire longtemps. J'étais passée chez un pote en Belgique, dans une web radio, donc il faisait ça dans sa chambre, etc. Et je pense que, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui font ça, et ça m'émeut toujours autant, et ça me fait toujours autant plaisir, de toute façon, tant qu'il y a un studio. Et un micro, on le sait tous, ici, autour de cette table, il y a du plaisir. Et comment vous est venue cette passion pour la radio, Cécile? Alors, grande écouteuse, on va dire, au début. À l'époque des Walkman, j'écoutais Fun, avec Max, D-Fool, qui est toujours à l'antenne aujourd'hui. Je les écoutais tous dans mon lit jusqu'à minuit, jusqu'à m'endormir avec les écouteurs dans les oreilles. Et puis après, j'ai toujours voulu faire aussi de la production musicale. Et puis la radio, elle m'a forcément rappelé à un moment ou à un autre. Et puis le micro, il a toujours été là, par du chant, et ensuite à la radio, effectivement. Ça rattrape toujours. Vous avez fait des études de sociologie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça vous sert en tant qu'intervieweuse ? Pas forcément en tant qu'intervieweuse. Au sein d'une rédaction, oui, forcément. Sociologie, économie, aujourd'hui, c'est au sein de toutes les émissions d'actualité, etc. Donc, dans la production Dans la production, plus que dans mes émissions aujourd'hui. Mais aussi, quand on observe un petit peu et quand j'interviewe certaines personnalités, quand je leur demande aujourd'hui, les médias, vous en pensez quoi ? Le milieu des médias, vous en pensez quoi ? L'auditeur change. Ça rappelle forcément certains cours. Et comment, en sortant d'une école comme l'université de René Descartes, on se retrouve dans un studio derrière un micro? Quelle est l'histoire, Cécile? Simplement une annonce Pôle emploi, la chose qui n'existe plus aujourd'hui. Fréquence Protestante, je l'ai trouvée maintenant il y a bientôt 9 ans, à une annonce Pôle emploi, alors que je sortais donc de production musicale, où j'organise des tournées, des artistes, etc. Je m'étais dit, la production radiophonique, il y a un studio à côté, donc tout va bien. Et puis, il y a la production des émissions, donc c'est la même chose. Et puis, comme je vous l'ai dit, la radio a toujours été un peu, toujours présente dans ma vie. Donc là, je me suis dit, je pense qu'elle me rappelle définitivement et je crois qu'elle m'attache carrément au studio. Donc, je vais rester. Mais vous nous parliez d'ailleurs de Max le Star System à l'époque de Fun Radio. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a un en particulier? Un ou une émission ou une radio qui vous a vraiment, vraiment, vraiment marqué? C'était vraiment fun parce que je l'écoutais vraiment toute la journée, en plus en rentrant des cours, etc. Donc s'il y avait une radio, c'était vraiment fun. C'était Fun Radio. Et RTL, quand mon père l'écoutait dans la voiture. Monsieur le même, vous savez, c'est clair. Et j'aimerais savoir, est-ce que travailler sur une radio associative, ça vous ouvre vers d'autres horizons? Est-ce que c'est moins de règles peut-être, ou est-ce que vous vous sentez plus libre? Alors pour la mécanique des ondes, justement, alors tous les gens, par exemple Sonia De Villers qui fait l'Instant M tous les matins sur France Inter, m'a dit, vous avez de la chance, vous pouvez inviter qui vous voulez. Alors elle aussi peut inviter qui elle veut, sur le papier bien sûr, à France Inter, mais moi effectivement je n'ai pas de barrière, je peux inviter n'importe qui, des gens de radio associative, des gens, des grands groupes, je m'en fiche en fait, on est complètement ouvert et on fait un peu ce qu'on veut en radio associative, peut-être plus qu'ailleurs. On revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Cécile Rondeau-Arnaud, l'intervieweuse des plus grandes personnalités médias que vous pouvez écouter sur Fréquence Protestante dans l'émission La Mécanique des Ondes. On en découvrira plus sur cette émission, ne bougez pas, ça se passe dans les irrémédiables sur Studec Web. Cécile Rondeau-Arnaud. La Mécanique des Ondes s'installe dans les irrémédiables sur Studec Web. Cécile Rondeau-Arnaud. Hey, I can't find that on the radio. Maintenant, Cécile Rondeau-Arnaud, nous vous avons préparé quelques petites questions et en particulier sur votre émission La Mécanique des Ondes, des interviews que vous réalisez sur les grandes figures de la radio. On écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de cette série de La Mécanique des Ondes. Le concept de l'émission, c'est de donner la parole aux grands de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé à la radio et quelle est leur vision du média radio actuellement, aujourd'hui? Aujourd'hui, je reçois Gaël Sanquer. Bonjour Manu Lévy. Mais bonjour madame. En studio donc avec nous, Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Bonjour. Bonjour Morgane Serrano. Bonjour. Bonjour Daniel Lombroso. Bonjour. Bonjour Eric Jean-Jean. Bonjour Cécile, très joli votre générique. Jackie Gaël, bonjour. Bonjour Cécile et bonjour à tous vos auditeurs. Mais il y en a beaucoup quand même, hein. Oui, oui, là, je sais plus, j'en suis à la 36e ou 37e. Je sais plus, j'ai bientôt fêté les 40. Alors, interviewer des personnalités de la radio, est-ce que c'était un de vos objectifs dans votre carrière? Non. Après, je suis toujours curieuse, en fait, des parcours des gens, de savoir comment ils sont arrivés là, etc., etc. Et justement, en fait, c'est sûr que, voilà, sur une radio associative, j'avais la possibilité de le faire. C'était un défi personnel aussi en tant qu'animatrice radio, forcément, parce que je me mets des fois dans des étapes impossibles avant La Mécanique des Ondes, parce que les feuilles, des fois, sont blanches complètement. J'ai pas les biographies, je les trouve pas. Et les directeurs d'antenne, ils en ont rien à faire vraiment de mettre ça sur Internet, quoi. Donc, je pars vraiment de feuille blanche. Alors là, vous imaginez que le niveau d'adrénaline, moi, me tient au micro. Et puis, au début, donc, une demi-heure. Ensuite, elle est passée à 42 minutes. Parce que j'avais vraiment pas le temps en une demi-heure de tracer un parcours. Donc, 42 minutes maintenant. Je trouve que c'est un bon format. Pas trop long non plus, hein. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé le bon format. Vous venez d'employer le terme « la curiosité ». Et pour vous, quel est l'élément essentiel pour une bonne interview? Ah ouais, oui, une feuille blanche, ouais. Ouais, pour moi, une bonne interview, ça va être une feuille blanche, ouais. Parce que je vais suivre le fil de ce que va me dire l'invité, rebondir sur certains moments de sa carrière qui, du coup, vient de le dire, ça me paraît clé. Et donc, du coup, je vais réagir là-dessus. Oh, ouais, clairement, c'est la feuille blanche, ouais. Et quelle est l'interview qui vous a le plus marqué depuis La Mécanique des Ondes? Alors, on l'a entendu, la voix était vraiment blanche. C'était Gaël Sanquer, c'était le premier. C'est vrai qu'un jour, c'était où j'avais pas mon technicien, j'avais un stagiaire journaliste à la radio. Je lui ai dit, bon, tu démarres les génériques là. Je l'avais coaché un peu avant, il fallait lancer juste la pause musicale et les génériques. Et Gaël Sanquer, c'était vraiment le premier. Je m'étais mis la barre hyper haute parce que voilà, Gaël, directeur quand même donc, des antennes d'énergie. Et voilà, je me suis mis le défi complètement barré. Et au final, ça a passé parce que Gaël, c'est vraiment quelqu'un déjà d'un au parcours vraiment de dingue. Et en plus, qui est vraiment mais adorable. Donc, donc voilà, au final, il m'a bien baptisée. Ça va. Mais Cécile Rondeau-Arnaud, attention, est-ce qu'il y en a une maintenant qui a été plus difficile que les autres? Ouais, difficile, ça dépend à quel sur quel sujet. Pas spécifiquement, non, il y en a pas eu. La seule qui a été en direct, c'était Raphaël Duchemin de RMC. Donc oui, en fait, dans des conditions un peu différentes, parce que normalement je les enregistre, les emplois du temps sont souvent compliqués, donc c'est difficile de les faire en direct. La seule pour le moment qui a été en direct, c'était Raphaël Duchemin. Donc ouais, un autre exercice, là c'était carrément le direct, etc. Donc oui, allez, c'est un peu plus original que les autres. Même pas avec une certaine personnalité du monde de la radio qui est restée 33 ans au micro d'Europe 1 que vous avez interviewé. Il s'agit évidemment de Jackie Gallois. Ah oui, alors là, forcément. Non, mais Jackie, ça a été un des derniers interviews. Alors je sais, c'est votre directeur des études. Alors faut pas que je dise de bêtises, hein, surtout. Hein. Mais oui, évidemment. En plus, c'est vrai que Jackie, je l'avais interviewé. Il venait tout juste de quitter Europe 1. Pour moi, c'était une voix que j'avais entendue depuis, voilà, que j'étais toute petite en plus, quoi. Donc oui, Jackie, ça a été aussi un grand nom. Et puis en plus, animateur. Donc forcément, les relations et les conseils, ensuite, qu'on prend de ces personnalités-là sont complètement différentes. Bah justement, il est avec nous. Il est même à côté de vous, je vais lui demander de venir nous rejoindre. Bonjour Jackie Gallois. Bonjour. Bonjour Cécile, ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors Jackie Gallois, j'aimerais savoir votre ressenti, comment vous avez vécu cette interview avec Cécile Rondeau-Arnaud. Un vrai plaisir, une professionnelle. Moi, ce qui m'a épaté le plus, c'est qu'elle a 42 minutes, hein, l'émission est enregistrée, elle a démarré son chrono. J'ai pas senti de longueur, j'ai trouvé ça très intéressant et tout. Et à un moment, elle m'a dit c'est déjà la fin de l'émission et j'ai regardé son chrono. Et ben, elle était arrivée à 42 minutes. Tout et pile. Ça, et il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien du tout. Ça, c'était extraordinaire. Donc, fabuleux. Bravo. Et moi, c'est une question assez simple. J'aimerais savoir pourquoi une émission sur l'envers. Pourquoi m'inviter? Mais parce que non. Je Ça, c'est le genre de question. Ah, j'ai fini, moi, il n'y a pas de réponse. Merci, Roxane. Non, j'aimerais juste savoir pourquoi justement une émission sur l'envers de la radio sur. Parce que je pensais que ça intéressait des gens de toute façon. Après, effectivement, quand j'ai des réactions d'auditeurs, généralement d'ailleurs des jeunes, ça me fait vraiment vraiment plaisir parce que il y a ce côté aussi à radio associative où on transmet beaucoup. Quand on a des stagiaires en journalisme, en animation, en technique, etc., on transmet beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, moi, quand j'ai voulu faire de la radio, au final, je savais pas d'où ils venaient, les gens, ce qu'ils avaient fait, etc. Alors oui, j'avais entendu parler du Studec, hein, c'est sûr. Hein, mais au moment où je suis rentrée à Fréquence Protestante, ça y est, c'était fini, les études, non, il fallait arrêter. Donc, du coup, ouais, c'était vraiment... expliquer un petit peu et puis on se rend compte que les parcours sont tellement différents, on arrive à la radio par tellement de moyens différents, donc et puis moi j'aime bien l'envers du décor, c'est un peu mon côté production, j'aime bien savoir comment sont faites les choses, etc., et qui pilote, etc. Et tout, comment ça marche. Et aussi, que pensez-vous du monde justement de la radio et même des médias en général actuellement? En pleine mutation, je pense que tout le monde le dira, mais la radio un petit peu plus. Alors aujourd'hui, on filme, on est beaucoup plus sur le web. On fait aujourd'hui. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'être filmé? Il y a plein de questions en fait. Hein, aujourd'hui, est-ce que demain les jeunes écouteront autant la radio? Je suis peut-être un peu plus pessimiste là-dessus. Il y a eu une étude ce matin dessus. Inter justement qui prouvait que la radio n'était pour le moment pas un média qui allait mourir, donc on l'espère. C'est ça, mais peut-être sous différentes formes. Est-ce que ça passera par la FM avec le gros débat sur la RNT? Enfin, il y a des tonnes de questions, quoi. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Jacques Gallois. Vous avez parlé de votre passion commune, les chevaux, non? Ah, on pourrait en effet, parce qu'il faut savoir, Cécile Rondeau-Arnaud est une cavalière comme moi. Donc c'est vrai que c'est une grande passion, comme quoi on peut lier les deux, la radio et les chevaux. Cécile Rondeau-Arnaud. La mécanique des ondes s'installe dans les Irrémédiables sur Studec Web. Cécile Rondeau-Arnaud. Hey, can't find that on radio. Mais Cécile, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la radio. Il y a aussi une autre forme d'art et de journalisme, l'écriture. Alors je vais tout de suite vous poser la question, ça fera plaisir à notre cher Jackie Gallois. À quand un livre sur les chevaux? Ah non, un livre sur les chevaux, là, ça va être très très compliqué. Je crois que Clémence, vous êtes beaucoup plus performante que moi là-dessus. Il y a quand même 15 ans de métier dans les chevaux. Oui, hein, mais maintenant, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps pour, entre la radio et en l'occurrence maintenant les voyages. Je pense que vous allez en parler, mais là, je ne peux plus. Les chevaux, j'en peux plus. Je ne peux pas. Donc, vous avez décidé justement de mêler deux passions, le voyage et l'écriture, en partageant des articles sur le blog Retour du Monde. Je dois l'avouer, j'aime beaucoup le mélange entre la culture d'un pays, la cuisine, les interviews à la rencontre des habitants. Alors ces voyages, est-ce que vous les avez faits? Oui, j'ai tout fait. L'écriture, j'en laisse pas mal donc à mon copain avec qui je fais le blog. Moi, je développe du son. Alors, les carnets de voyage, j'ai commencé en Islande, je prenais du son là-bas, je faisais des petits montages, alors histoire de prolonger aussi un peu la radio, hein, forcément, de faire voyager, on va dire, par le biais du son, ce qu'on voyait pas trop dans les blogs, et pour moi, ce qui me manquait, hein, clairement. Effectivement, ouais, les voyages, c'est aussi toujours avec un peu de radio, histoire d'aller voir quelques studios aussi, à droite, à gauche, forcément, aller pousser des portes. Mais par contre, c'est une vraie bulle d'air et d'aller voir souvent des endroits où il y a vraiment le silence complet. Donc c'est vraiment le contraire de la radio. Ça fait du bien aussi de reposer des fois ses oreilles. Donc là, la prochaine étape, c'est le Cap Nord, là, dans 15 jours, donc en plein mois de février. Donc je peux vous dire que ça va être silencieux. Dans quel pays, justement, vous avez pu ressentir ce vide? En Islande, beaucoup de silence, mais aussi beaucoup de bruits super bizarres. Genre, voilà, on est sur un volcan, quand on a le sol qui tremble et avec des bruits très très sourds. C'est très très étonnant. Et sinon, beaucoup plus. Oui, la Laponie, c'est désert. Il y a 12 habitants au kilomètre carré, donc forcément, il n'y a pas grand bruit. Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a le plus marqué, oui, sur... Ouais, ça va être la Laponie, ça va être les pays nordiques, et c'est pour ça que j'essaye d'y retourner tous les ans, même si ça coûte extrêmement cher, ces pays, mais c'est vraiment plus ces pays-là où il y a au final une ouverture, même s'il n'y a pas grand monde, où les gens sont extrêmement chaleureux, et des cultures qui sont encore en Europe, mais qu'on connaît très très mal ici en France, en tout cas. Vous avez une anecdote sur l'une de vos rencontres lors d'un voyage, par exemple? Alors oui, justement, lors d'un voyage, c'était à Helsinki, donc en Finlande, et j'ai rencontré, donc par le biais de la musique, etc., un animateur radio qu'on a allé voir en fait dans un studio radio à Helsinki, il faisait moins 15, on était dans son studio, c'était partagé par le journal local en fait, et donc lui faisait une petite émission musicale à la cool, etc. Donc maintenant il commence à être connu en Finlande, donc ça me fait plaisir, mais effectivement voilà, on se retrouve toujours dans un studio, que ça soit de musique ou autre chose, et ça en l'occurrence en plein milieu d'un voyage, voilà, on le perçoit complètement différemment, et en tout cas c'est super agréable. Ça m'amène à cette fameuse question qui lie la télé et les voyages. Est-ce que vous aimeriez présenter ou participer à l'émission Rendez-vous en terre inconnue? Ah ouais, ouais, alors je suis vraiment je suis vraiment tous les épisodes. Alors moi ça me donne des idées de voyage hein, plutôt. Là en l'occurrence ce dernier épisode en Mongolie. La Mongolie c'est un pays que j'aimerais vraiment faire. Aller prendre une voiture et on trace, c'est pas grave. J'aimerais vraiment beaucoup. Après, bon, voilà, le process d'aller, d'emmener toute une équipe, etc. Voilà, c'est complètement discutable. Mais j'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup l'aide différente. Peut-être mes restes de sociologie et d'anthropologie, c'est ça, et d'ethnologie, et j'aime beaucoup aller la rencontre des autres et aller voir effectivement les transformations des tribus aussi, puisque comment elles vont vivre dans le futur, comment elles vont s'adapter à la modernité, ça c'est passionnant. Je rappelle Cécile Rondeau-Arnaud que vous pouvez écouter sur Fréquence Protestante dans l'émission La Mécanique des Ondes à 13h15, mais également sur le blog Retour du Monde. On va se projeter vers l'avenir dans un instant avec vous Cécile. Cécile Rondeau-Arnaud. La Mécanique des Ondes s'installe dans Les Irrémédiables sur Studek Web. Cécile Rondeau-Arnaud. Hey, can't find that on radio. J'aimerais bien qu'on se tourne maintenant vers l'avenir, Cécile. Hey. Vous faites de la presse écrite, vous faites également de la radio, vous êtes également productrice. La télé, est-ce que ça bientôt. Vous attirerait ou pas? Il y a la radio filmée maintenant, ça y est, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça pas suffit, vraiment. Non, en fait, la télé, ça me tente pas, en fait, du tout. Pas du tout. Non, c'est pas du tout un média déjà de base qui m'attire. Alors la production télé, oui, en l'occurrence, ouais, c'est un autre travail. En fait, la radio, c'est tellement bien, on peut en faire de n'importe où, c'est super simple. La télé, tout de suite, c'est vachement plus compliqué. Et puis ouais, c'est pas un média qui m'attire plus que la radio, ça c'est clair. Dans l'avenir, si vous deviez changer quelque chose dans l'univers de la radio, ce serait quoi? Grosse question. Comment, je vous remercie. Je ne sais pas. Vraiment dans l'univers de la radio, donc oui. Très très largement. Bah avoir plus d'argent pour toutes les radios associatives en l'occurrence qui sont très nombreuses. Surtout que vous voyagez beaucoup et vous voyez aussi d'autres fonctionnements. Même en France, même au niveau local, des fois avoir plus d'argent sur certaines radios associatives pour qu'elles puissent embaucher encore plus évidemment, même si voilà, elles ont une mission de former les jeunes journalistes et animateurs et techniciens et je pense que c'est vraiment les sous, le nerf de la guerre de toutes les radios en France. On a la chance d'avoir une diversité hallucinante et voilà, des fois elle ferme par manque de moyens et ça va être d'ailleurs de pire en pire dans les années à venir. Quelle émission radio vous aimeriez animer? Une expérience que vous n'avez jamais vécue? Une émission radio que j'aimerais animer. Alors, un concept. Un concept historique, un peu comme Affaires Sensibles sur France Inter, avec énormément d'archives. Parce qu'effectivement, je me rends compte que peut-être dans la mécanique des ondes, voilà, il y a des choses qu'il faudrait que j'habille un petit peu d'archives des invités, peut-être. Je sais pas si je vais pouvoir le faire dans le futur proche. Mais voilà, avec beaucoup d'archives, des émissions qui sont peut-être un peu plus riches, voilà, de reportages ou d'archives. Ouais. Ça, j'aimerais bien animer Affaires Sensibles. Patrice Drouel, si vous m'entendez. D'ailleurs, j'aimerais bien l'inviter aussi. Donc, il y a un animateur en particulier avec qui vous aimeriez travailler dans l'avenir? Bah, beaucoup. Ouais. En tout cas, ce serait sur une radio généraliste, forcément. Après, genre. Alors, plus fun radio. C'est vrai que, ouais, un Fogiel sur RTL ou un Bernard Poirette. J'aime beaucoup les RTL soir, les choses comme ça. Donc, c'est sûr que, alors, travailler avec eux ou forcément plus interview que chronique, en l'occurrence. Et ben, moi, c'est une petite question par rapport à vos carnets de voyage. Est-ce qu'il y a un pays que vous aimeriez absolument visiter, prochainement? Alors j'ai pas fait encore les États-Unis. Tout ce qui est Nouvelle-Orléans aussi, ça fait un bout de temps que ça traîne dans un coin de la tête. On pense toujours son aussi, donc je me dis que ouais, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, tout ça, je pense que je pourrais ramener pas mal de son. Et puis ouais, les États-Unis, C'est vrai que j'ai discuté récemment voilà, avec des Américains et je leur dis vous êtes comme nous, il y a beaucoup de radios locales, il y a des petits studios qui sont au milieu de nulle part parce que c'est des radios qui émettent sur 2 ou 3 villes en fait hein, aux États-Unis. Donc du coup il y a une diversité que nous on comprend même s'ils n'ont pas de radio nationale en fait. Donc ouais, vraiment plus les États-Unis, aller voir ce que eux comment eux ils font de la radio aujourd'hui, sachant que c'est la radio qu'on connaîtra dans 10 ans. Donc voilà, moi ça me passionne. Et en fait, j'ai trouvé vos centres d'intérêt sur le net. Et oulala, parmi tout l'équitation. Ça. Ah ouais, mais non, en plus, ça, je ne l'avais pas trouvé. Mais parmi tout ça, j'ai vu la science. Est-ce que ça serait possible de mêler radio et science, peut-être dans Ouais, les émissions scientifiques, c'est assez difficile aussi à gérer. Parce que la science, il faut que ça soit, on va dire, abordable pour l'auditeur. Il ne faut pas non plus l'abreuver de termes super techniques, etc. Je ne sais pas, par contre, où vous avez trouvé ça. Parce que bon, la science, je ne suis pas particulièrement scientifique. Bon, okay. Les maths, tout ça, la physique, ce n'est pas pour moi. Hein, donc voilà. Mais aussi, Michel Simès. Bah, si, allez, Michel, il a l'air sympa comme ça. Une interview. Bah, il faudrait, ouais, il fait pas mal de radio, c'est vrai, mais il fait des consultations de la radio, de la télé. Vous savez, ces gens-là, c'est difficile à les attirer dans le studio. Il faut trouver un moment dans l'emploi du temps. Et au niveau de l'écriture, vous avez des projets aussi ou pas du tout? Pas particulièrement, non. Non, pas particulièrement. C'est sûr qu'après, sur le blog, vraiment Retour du Monde, parce qu'on s'éclate vraiment là-dessus, vu que c'est notre hobby, on le fait quand on a entre 11h et minuit qu'on a un petit peu de temps, mais c'est développer un peu plus d'articles avec un petit peu plus de sons, un petit peu plus de voilà d'images, de vidéos aussi, parce que je m'y mets un petit peu mais pas trop, mais développer un petit peu plus des articles plurimédias comme on le dit aujourd'hui. Merci beaucoup Cécile d'avoir pris de votre temps et d'être venue Merci avec nous vous. Dans les Irrémédiables. Merci beaucoup. On retrouve vos interviews avec des personnalités des médias sur Fréquence Protestante dans l'émission La Mécanique des Ondes à 13h15, mais également vos carnets de voyage, comme vous venez de le dire sur le blog Retour du Monde. Cécile, je vous souhaite encore plein de belles découvertes, que ce soit au niveau dans le monde de la radio, vos futurs voyages d'ailleurs. Et puis dans 10 ans, je vous reçois, Clémence, et je vous reçois tous autour de la table. Avec grand plaisir. Alors là, oui. Alors attention, c'est enregistré, je garde le podcast. Si vous me dites un nom, c'est mort. Merci beaucoup, Merci Cécile. Merci beaucoup à vous.